écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Bonsoir mes sœurs. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Donc je crois que j'ai épuisé pour les thèmes, les sujets d'aujourd'hui. Je vais laisser exprès la Côte d'Ivoire et le Bénin et le Sénégal, le Togo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu avertit, même à Kadhafi, on a averti. Kadhafi, on a envoyé le nom. Laisse Mohamed tranquille. Dieu veut que tu fasses comme ça. Parce que sinon, les Américains vont venir te prendre ici. Ça n'y revient pas encore. Il a dit, les Américains, venez faire quoi ici chez moi? Moi, ils sont en Libye. Quand ça fait, boum, il a pris le téléphone, il a appelé. On fait comment? Il dit, non, c'est tu es déjà dedans. Subis. Quand Dieu parle, c'est un peu comme quand Dieu parle, repentez-vous. Si ça fait, boum, vous le voyez en haut là-bas. Je dis, Seigneur, je me repens. Il n'y a personne sur le trône pour intercéder, dont la repentance ne peut avoir lieu. Là maintenant, c'est le jugement. Parce que quand Dieu se lève, c'est le jugement. Quand il est sur le trône d'intercession, c'est une autre chose. L'intercession peut passer. Quand il se lève, c'est là terminé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a des questions. C'est pas des questions. On va s'arrêter. Alors, j'ai épuisé vraiment ce qu'il y avait sur le cœur. Maintenant, c'est bon. Pour les trois pays, le Cameroun, la France, le Sénégal. Je laisse exprès celui du Bénin et de Togo. La Côte d'Ivoire, on va y revenir. Donc souvenez-vous, il y a des gens qui peuvent régner sans que Dieu ne leur ait donné le pouvoir de régner. Ceux-là ne sont pas reconnus en haut comme ceux de l'autorité du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça me dit oui, mon frère. Je voulais parler parce que, frère, je suis vraiment trop... Ça me fait mal. Et quand je vois ce qui se passe en Afrique. Et quand on parle d'incantation, de sorcellerie, de pratique, ceci ou cela. Parfois, il reste comme ça, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine du sous-développement de l'Afrique, qui fait de telle sorte que l'Afrique n'arrive pas à s'émanciper comme il se doit par rapport à d'autres continents? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on voit qu'en Afrique, c'est un peu trop différent. Trop de sorcellerie, trop de pratiques. Oui. Jusque-là, ça ne développe pas. Oui, on n'arrive pas à se développer. La solution, c'est la jalousie envers son prochain. On veut toujours tuer. On veut toujours faire ceci. Tu vois l'analyse que tu as faite là? Oui. Je vais te donner l'analyse contraire que les gens des autres font. Les autres disent qu'il y a beaucoup plus d'églises plutôt en Afrique. Ils sortent de l'argument pour dire la Chine n'a pas d'église. L'Arabie Saoudite n'en a pas. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Tout ce que le Singapour, le Japon n'en a pas. Ils sont plus développés. Après, ils montrent les prières, comment les Africains passent beaucoup plus de temps à prier. Ils disent que c'est plutôt le fait qu'on va à l'église, que les églises se multiplient, qu'il n'y a pas de développement. Mais toi, tu veux me dire plutôt que c'est la sorcellerie qui fait qu'il n'y ait pas de développement. Mais c'est justement cette sorcellerie-là qui amène les gens à trop prier. À trop prier. Oui, voilà. Sûr, donc, en réalité, ça veut dire qu'ils prennent plutôt un autre aspect pour dénoncer plutôt l'église. N'est-ce pas? Pourtant, c'est en fait, en toile de fond, c'est toujours la sorcellerie qui pousse les gens à aller prier. Les gens, oui, à aller prier. Parce donc, que là, maintenant, il faut remettre tout entre les mains de Dieu. À la main de Dieu, parce que la sorcellerie est très grave. Parce que la sorcellerie est très grave. On pourrait se poser la question autrement. Parce que ces gens-là disent qu'en réalité, c'est parce qu'il y a les églises que les gens qui ont la Dieu pour le développement. On pourrait se poser la question. Avant que les églises ne viennent, il y avait-il développement? Non. Donc, oui, effectivement, qu'en réalité, sans pousser les pensées, on peut voir effectivement que les gens essaient de trouver. Tout ça, c'est pour éliminer le Seigneur. Tout ça, c'est pour éliminer la Bible. En prenant la culture. En tout cas, Dieu va effrayer la terre. Et le temps de l'Égypte est arrivé. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. On a plusieurs choses à dire sur le panafricanisme. Je vous avais dit que comme le réveil s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé ici. Les dieux égyptiens vont se lever. Il y a des groupes. Et un de ceux, je vais vous montrer la vidéo. Je vais mettre la vidéo là où nous allons travailler là-dessus. Pour que vous voyez. Il y a des groupes. Je crois que j'en avais parlé dans les enseignements, c'est depuis 2015. Il y a des groupes qui vont prendre ceci. Le franc-maçon va prendre ceci, il va tirer des enseignements là-dedans, maçonniques. Vous avez parlé des marques, chapitre 4, où on parle de quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller préparer la chambre, la Pâque. Il dit quand vous allez monter dans la ville, vous allez voir quelqu'un qui a porté la cruche. Vous voyez, c'est l'air des vaisseaux. que celui qui porte le pot versé. Ça, c'est le signe astrologique. Donc, il y a 12 signes astrologiques dans les marches du Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Celui qui porte le sceau, celui qui verse. Après, maintenant, c'est l'heure du poisson. C'est le poisson, c'est ça qui représente le chrétien en l'heure de poisson. C'est l'heure de poisson. Vous voyez, après, les vierges. Ainsi de suite. Alors, donc, vous voyez que ceux-là, ils vont dans les Bibles, en commençant par les hellénistes qui ont développé certaines choses de théorie avec les maçons-chefs. Vous voyez que quand ils vont dans les Saintes Écritures, ils ne lisent pas la Bible telle que tu ne lis. Parce que si tu ne lis pas le Saint-Esprit, tout ce que tu as de faire, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dans les Saintes Écritures, ils regardent. Vous allez voir maintenant, et ceci est là, c'est ça qui différencie maintenant les disciples du Seigneur Jésus-Christ avec la religion. Le fait que l'Église catholique ait été la première institution religieuse sur la terre, on appelle ça l'Église chrétienne. C'est pour ça que quand vous voyez chaque fois, les gens disent que non, le pape, le chef de l'Église chrétienne. Quand l'Église chrétienne, on dit qu'ils croient tous les chrétiens, chrétienté, mais au milieu des chrétiens, là, il y a des gens qui savent que c'est un apostat. Mais le monde occidental, mais encore le monde extérieur, le monde païen, ne voit pas cela de la même façon. Parce qu'ils croient qu'il est de la Bible. Pourtant, la Bible le dénonce. Et par conséquent, tous les cultes, justement, que les catholiques copient et placent devant les gens, se trouvent être des cultes païens. Voilà le problème. Et maintenant, vous allez voir donc que des groupes s'élèvent pour dénoncer ces choses-là. Arrêtez, ces groupes-ci aident les chrétiens authentiques sans s'en rendre compte. Parce que quand ils présentent Osiris et Isis, la mère et l'enfant, la statue de la mère et l'enfant, en montrant que dans l'ancien Égypte, il y avait cela. La mère et l'enfant se portaient, on portait l'enfant. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on montre Marie et l'enfant Jésus. La Bible ne présente pas Marie et l'enfant Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible ne présente pas le mari et l'enfant Jésus. Maintenant, vous les voyez, dans l'Église catholique, c'est ça le symbole même de l'Église catholique. Donc, Osiris et Isis. Vous allez le voir dans les panthéons, vous allez voir comment on fait les comparaisons. Osiris et Isis. Quand vous voyez, c'est le culte mère et enfant, le culte mère, même dans le Coran. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu que le Coran soit sorti dans la période où il n'y a pas les vrais chrétiens encore sur la terre authentiquement, de cette façon-ci maintenant. Parce que dans le Coran, la Bible dénonce la Trinité, mais pas par la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils disent, cessez de dire trois, ce serait mieux pour vous. Après, la Bible déclare, le Coran déclare qu'au jugement dernier, Allah va appeler Issa en disant que est-ce toi qui as dit qu'on associe à toi, à moi, une divinité, avec ta maman, la divinité. Et Issa va dire à Allah que non, s'il avait fait, tu devrais que tu es le connaisseur. Donc vous voyez que le Coran dénonce la Trinité, mais pas par la Trinité que nous voyons au milieu chrétien aujourd'hui. Parce que cette Trinité en milieu chrétien a pris son essor alors que Mohamed ne connaissait pas. Parce que l'évangile qui est allé du côté du Moyen-Orient où les Juifs ont développé des théories là-bas, c'est l'évangile gnostique qui est allé là-bas. Et donc c'est la gnose qui l'a développé là-bas. De ce côté-ci, les gens comme Clément de Rome, ainsi de suite, Chrysostome et autres qui développaient les théories dans les séminaires, et ils n'avaient pas accès à cela. Par conséquent, le Dieu des musulmans a confondu la Trinité que les gens prennent dans la Bible comme la Trinité mariale. Parce que l'Église catholique était implémentée à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me suivez? Vous m'avez compris? Quoique, pardon, quelqu'un dans la cuisine a commencé à partager des choses pour couper le jeûne. Quand vous allez manger doucement, restez vraiment calme, partagez pendant que je vais parler. Allez, servir. Donc, écoutez-moi bien. La doctrine au milieu des églises, écoutez-moi bien. La doctrine au milieu des églises maintenant de la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque le Coran est révélé progressivement dans les années 600, d'accord, de l'ère chrétienne, le Coran parle de la Trinité, mais pas de cette façon-là. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc le Coran ne peut pas dénoncer la Trinité catholique et la Trinité chrétienne, entre guillemets. Parce que la Trinité, c'est parce que là, on parle de Marie. Le Coran est de dénoncer Marie comme une divinité qui est associée avec Issa à la place d'Allah. Mais pas Père, Fils, Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit n'a pas de sens dans le Coran. Saint-Esprit, c'est Djibril. Gabriel, donc Gabriel, le Saint-Esprit. Ah, vous parlez de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, j'ai dit donc, le Coran qui a commencé dès 600 à dénoncer le culte mère et fils au milieu de l'Église catholique. Parce que c'est l'institution qui est en vogue là-bas à ce moment-là, qui confronte l'islam. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'on fouille dans l'histoire, on voit qu'en fait, Osiris, Isis, le culte païen depuis Nimrod et Semiramis a été transcendé au niveau de la Mésopotamie, s'est descendu en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et le culte au milieu catholique, ce n'est que le rassemblage de tous ces cultes païens. Vous me comprenez jusque-là, hein? Ce qui fait maintenant, quand les panafricanistes, vous allez entendre sur YouTube, dans la télévision, commencent à démontrer que la Bible, ils disent que la Bible a été copiée. Par conséquent, là, votre Jésus que vous appelez Jésus là-bas et haut là-bas, c'est représente Osiris ici, représente ici. Ça, c'est la doctrine catholique contre le panafricanisme, pas la Bible, parce que la Bible, elle, c'est autre chose. Vous m'avez suivi encore juste là, hein? Voilà. La deuxième chose maintenant, c'est que ils vont raconter les histoires de la Bible en disant que ce sont des plagiats. Le plagiat, c'est quand quelque chose a été dit quelque part, on recopie quelque part ici. Que l'histoire, par exemple, vous allez parler du roi Sarad, ainsi de suite, tous les autres, le monde qui a été immergé, que l'histoire de Moïse n'a jamais existé, le fait que Moïse a fendu l'eau et que le peuple a passé, ça n'a jamais existé, c'est de l'histoire, il n'y a pas de preuves. En fait, on va même plus loin, et c'est justement un paradoxe dans le camp de l'ennemi. Un autre groupe de scientifiques panafricanistes mondains disent Jésus n'a jamais existé, il n'y a pas de preuves historiques de sa trace qu'il existe. D'accord? Un autre groupe démontre que le Jésus que vous appelez là, c'est un personnage qu'on appelait Osiris. Donc, si vous adorez Jésus, c'est Osiris, donc l'ancien dieu égyptien que vous allez adorer. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Ok. En tout temps, ils disent, ah, Moïse n'a jamais existé en Égypte, on n'a jamais trouvé le sage. Dieu s'en fout que vous ayez les traces scientifiques ou vous n'avez pas les traces scientifiques. Est-ce que Dieu a dit ici que tout sera prouvé par la science? Non. Quand il créait, vous étiez là. Il a créé, comment on peut créer ce qui est solide à partir du liquide? Comment on peut créer le poisson à partir de l'eau? Vous savez qu'on a été fait à partir de l'eau, n'est-ce pas, frère? Comment? Comment? Alors, Dieu a fait sa chose. Il a mis des choses ici. Et l'une des fois, je crois qu'il va falloir que j'entre dans ces enseignements rapidement, les pierres d'achoppement. Il faut que j'enseigne cela. Parce que avec, quand on va enseigner sur les pierres d'achoppement, vous allez comprendre toutes ces choses-ci. Dieu a de façon délibérément mis cela. Et puis maintenant, vous allez dans le culte indien, vous allez voir encore le Trinité là-bas, Shiva, Vashi et Brahma, ainsi de suite. Dans tous les cultes païens, il y a donc cette divinité, cette trinité des divinités. On dit donc que c'est là où les copies, parce que les cultes là ont existé longtemps avec les chrétiens. On dit donc les chrétiens ont dû copier là-bas, ils ont fait les plagiats. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Satan, le prince de la puissance de l'air, connaissait tous ces secrets du ciel. En représentant le culte sur la terre, pour que lorsque la Bible va venir, la lumière va venir, d'où vient la contrefaçon? La contrefaçon vient? Donc, les deux choses l'une. Soit c'est les chrétiens, parce que si on dit c'est plagiat, ça veut dire que les chrétiens ont copié. Si c'est les chrétiens qui ont copié, et là il y a une conséquence. Si c'est les chrétiens qui ont copié, alors le culte satanique est le vrai. Pas vrai, frère? C'est que c'est Satan, puisque si c'est Satan qui était là et qui l'a fait Osiris, Isis, et que les chrétiens sont venus prendre maintenant qu'il y a le Père, Fils, Saint-Esprit, alors dans ce cas, c'est les chrétiens qui ont copié. Parce que si tu copies à partir d'un original, de quelque chose qui est premier, c'est cette chose-là qui est l'authentique. N'est-ce pas, frère? Voilà. Le culte Osiris, c'est ça qui est authentique, frère? Non. Jamais. Mais le problème, c'est que le culte représentation qui est sur la terre est une image des choses qui se passent sur le plan céleste. Il dit, ce qu'on fait sur la terre comme culte sort d'abord du céleste, sort d'abord du spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Pourquoi vous êtes parti? Il dit, le culte, ce qu'on fait sur la terre, c'est la Bible déclare pour Moïse que les cultes qu'on faisait, tous les constructeurs faisaient, c'était les représentants des choses célestes. Donc il faut avoir vu ça quelque part pour l'implémenter sur la terre. Voilà. Maintenant, dans le livre des Genèse, quand Dieu a créé, il est derrière la bouille là. Quoique les femmes, sinon, non, pas. Dans le livre des Genèse, au chapitre 1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. N'est-ce pas, frère? On dit. Je vais mettre ça entre guillemets maintenant. Écoutez bien. On dit qu'il y avait. Vous avez la façon que le Saint-Esprit parle. Amen. On ne dit pas que Dieu a créé les ténèbres. On donne le renseignement qu'il y avait. Oh! Parler du règne de l'Antichrist. Et puis là, on dit qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Quand il y avait des ténèbres, Dieu a dit que la lumière, dont les ténèbres sont venues sur la terre, régnait en principe avant la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont amené au milieu des hommes? Qu'est-ce qu'ils ont amené dans la connaissance qu'ils ont amené là-bas? Vous voyez cela? De toute façon, on se comprend. Prenons tout simplement un cas simple dans les Saintes Écritures. Dieu montre de ce côté-ci la vision à Joseph. Vous savez, l'histoire de la Bible, j'aime la Bible est tellement passionnante. Dieu montre les histoires qui doivent arriver dans la vie de Joseph, ici, de ce côté-ci. Dieu ne lui dit pas que ça n'est juste, ça va se passer. Puis, longtemps après, il vient en Égypte. Et puis, ses petits frères là-bas viennent pour prendre le maïs, ses frères viennent pour prendre le mil et autres, comme il y avait la famine. Et puis, il dit ces choses-là comme mettre. La coupe dans le sac de son petit, de son petit Benjamin, pas vrai? Après, pendant qu'ils sont partis, il envoie ses gardes là aller regarder dans le sac duquel la personne qu'on va fuir. Il s'arrange à ce que ça soit Benjamin. Son frère, pour qu'il reste à côté de lui. Il dit que non, vous n'avez rien fait, c'est celui-ci qui a volé. Rentre là ici. Oh, maintenant, regardez bien, je passe sur cet événement pour vous montrer quelque chose. Le monsieur, quand il est venu vers Benjamin, quand il a fouillé, il a pris sa coupe, il dit, ne sais-tu pas qu'un homme de son autorité a le pouvoir pour deviner. Nous sommes au temps de la Genèse. Donc il est au temps de la divination. Quelle est la puissance qu'il accorde à la divination? Vous voyez cela? Ça, c'est l'Égypte avec les Juifs côte à côte. Donc nous sommes à la Genèse. Quelqu'un a parlé de la divination. La divination. Alors ça veut dire que les gens de son trempe, de sa trempe, ont le pouvoir pour deviner. Donc ça veut dire que Pharaon n'était pas simple. Si vous restez avec lui comme ça, vous me faites le coup, il sait que vous en avez fait le coup. Qui lui propose ça? Donc je suis en train de vouloir dire que avant que la nation d'Israël ne soit constituée en nation, ou pour que Dieu vienne donner les lois, quelqu'un d'autre, un autre agent spirituel a communiqué certaines choses aux hommes. Et là se trouve Israël qui est naissante, parce que la Bible déclare qu'Israël s'est migré dans le pays de Mishraïm ou bien de Cham, d'accord? Quand ils sont venus dans le pays et puis ils sont multipliés. Après Dieu a changé le cœur du peuple d'Égypte pour qu'on le haïsse, pour que sa volonté s'accomplisse. Mais avant qu'eux ne viennent, c'est plus tard qu'ils vont sortir, 400 ans plus tard, que Dieu va donner sa loi. Avant ça, ils vivent en plein territoire où il y a des puissances des ténèbres. Et donc c'est là où l'Égypte donc, avec Osiris, Isis, Thor, Ra et tous les autres là-bas. Sont là. Donc, le culte pharaonique est basé justement sur les divinités africaines. Et ce sont ces divinités africaines donc, qui vont produire la base de la rose croix qu'on a maintenant. Tous les rosicruciens savent cela. Tout. Même l'Église catholique, c'est, ils disent que le culte chrétien qu'on appelle 25 décembre était célébré longtemps par les chrétiens. Les gens de la rose croix disent, nous sommes chrétiens, mais vous dites que la base de votre roi, c'est de l'Égypte ancienne. Jésus que c'était un Égyptien, frère. Donc, mais c'est quelque chose de Jésus qui est rosicrucien, qui est parmi les roses croix. Donc vous voyez que les gens des roses croix disent que non, nous sommes tous les roses sont les chrétiens. Mais ils disent quoi? Nous sommes les chrétiens de l'intérieur. Chrétiens de l'intérieur, frère. Regardez bien ce mot-ci, chrétiens de l'intérieur. Quel intérieur? Chrétiens de l'intérieur, ceux qui cherchent Dieu en eux. Frère, Dieu se trouve dans l'être humain. Après, quand vous commencez à parler maintenant, le Dieu qui est dans les cieux, dit non, Dieu n'est pas le ciel, Dieu est en nous. Que l'univers cosmique, ce qui est là-bas en haut dans le cosmos, est en miniature en nous. Il faut élever cette lumière pour s'élever vers l'inconnaissable. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors, ils vont vous prendre, vous qui lisez la Bible, en disant que vous êtes des chrétiens extérieurs. C'est-à-dire qui se basent sur les émotions. Quand vous lisez n'importe quel texte, ils donnent les déclarations intérieures. Que par exemple, quand tu lis par exemple que repentez-vous, ça suppose qu'il faut nettoyer à l'intérieur de ton âme. Il y a certains murs qui sont cassés à l'intérieur. En rentrant dans la concentration, tu envoies l'énergie là-bas, ça construit le pape. Parlez de Bible. Donc vous allez rester avec un rosicrucien, vous allez parler de la Bible, vous ne parlez pas de la même chose. Vous me comprenez? Quel est le problème? Le problème c'est qu'il tire sa source en Égypte, dans la science des méditations transcendantales. Ça veut dire qu'ils font ce qu'on appelle la méditation interne. Mais il faut qu'ils mettent le nom chrétien. Vous allez voir les gens qui disent que quand ils vont dans le temple de Rose Croix, il y a la Bible là-bas. Jésus a interdit que la Bible ne soit pas sur la terre. Vous pouvez entrer chez le marabout, vous pouvez chier avec, mettre sur la Bible, ça ne fait absolument rien. Vous n'enlèverez jamais la sainteté de Dieu. Vous pouvez prendre ça, vous brûler. Ça va brûler, ça, c'est du papier. Quand vous allez brûler l'écriture qui est à l'intérieur, là, vous ne pouvez pas changer ça. N'est-ce pas ça, on se comprend? Donc, il y a des gens qui disent non, il y a une maison qui a brûlé, on a trouvé que le Coran n'avait pas brûlé. Ça fait le miracle. Si c'est ça le miracle, alors c'est très grave. Alors, donc, vous voyez que si vous ne lisez pas la Bible de la bonne façon, le moment est en train d'arriver où tout est en train de se réveiller, où les dieux et les dieux sont en train de se réveiller. Alors, les chrétiens, les gens vont se mettre là. Et cela, je vais apporter des vidéos. Rappelez-moi seulement un jour, prochain jour, où il y a un férié. Oui, Ferry, dites-moi pourquoi on travaille sur ces sujets-ci. Je viens, je prends le temps de vous mettre les vidéos. Je vais vous mettre les vidéos doucement, parce qu'à la fin, vous allez voir la personne se dénoncer. Quand la personne va dire à la fin de quel Dieu est en train de parler, vous allez voir de quelle question. Donc les gens viennent, ils disent, ils te prouvent par A plus B que les dieux de la Bible que vous servez, là, nous avons le Dieu de nos ancêtres. Après, ils commencent par dénoncer doucement que le Dieu, le vrai Dieu, il n'est pas unitaire, ce n'est pas un monothéiste, c'est un panthéon des dieux. Vous voyez, on peut l'appeler Tarazambiyo, ou bien Azambe, ou bien Loba, ou bien Maloba. Avec les différents noms, d'accord? Et puis on avance quelque part, vous voyez comment on touche. Ils disent que non, les dieux qu'il y a là-bas, ils étaient quatre. Il y avait parmi eux Lucifer, Jéhovah, Yahweh, Satan et autres là-bas. Ils sont ensemble, ils n'ont pas de problème entre eux. Que ce sont la religion qui a créé le problème, c'est les noms. Je vais mettre les vidéos, vous allez entendre. Moi-même, Dieu me montre les choses, je vous dis. Et puis, vous voyez la personne, vous montre qu'en réalité, l'Africain doit se connaître. Quand il dit l'Africain, tu dis, oh, je suis Africain, je veux me connaître. Qu'est-ce qu'il en est? Vous en dites amené, il dit que culte ancestral, que c'est nos ancêtres. Après, il va te montrer comment on va identifier. Il va mettre l'autre là-bas. Il enseigne bien, il prend la Bible, il dit c'est une chose de la Bible vraie. Après, il dit, ok, pour être initié au culte ancestral, vous lui apportez 3000 euros, cash, sans avance, sans ceci. Après, vous achetez un peu de mbanga, que vous allez fumer. Avec ça, ça va te faire passer dans l'autre dimension. Voilà le culte. ancestral. Et lui, il dit que c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Après avoir déshabillé la Bible pour montrer que la Bible est fausse, ainsi de suite. Vous allez voir. Je l'ai suivi seulement. Il y a un autre qui a pris la Bible, il s'est fâché. Il dit qu'il s'appelle Pasteur Moïse. Il présente comme ça. Il dit que la Bible, Dieu n'existe pas. C'est le Dieu Mahat qui existe. Moi, je suis le Pasteur Moïse. Je suis étonné que lui-même s'appelle déjà pasteur selon le langage biblique. Après, fini, il dit que la Bible dit ici que Dieu est en haut. C'est la logique. La terre est en cercle. Si quelqu'un en Amérique ici en bas, ça part de haut et en bas. Lui, il est ici en haut, ça part de haut et en haut. Il dit finalement, le haut là est finalement est haut. Donc finalement, il n'y a pas de haut. Par contre, quand il n'y a pas de Dieu, la logique est là. La Bible dit que tous sont pervertis, tous sont corrompus. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Où est-ce qu'il est là? Vous lui demandez. Il va dire, j'étais pasteur. J'ai fait la pastorale pendant 12 ans. Dès le départ, ton pasteur, qui t'a mis dedans? Comment tu as fait pour devenir pasteur? C'est allé à l'école de théologie. Vous voyez, je vous dis, les brigades de formation, c'est fou. C'est pour cela, parce que quand tu n'es pas appelé de façon authentique par Dieu, c'est normal. Tu vas revenir, ton cerveau ne peut pas supporter certaines choses. Quand ton cerveau ne peut pas supporter certaines choses, tu vas seulement dévier pour aller en ton lieu. En ton lieu. Mais quand tu es appelé de Dieu, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. La Bible déclare dans Jean chapitre 17, sous les gens, je me dis ça à partir du verset 1. Bon appétit à vous. Voilà, surveillez-moi, d'accord. Mm-hmm. Vous buvez avec la bouche, vos yeux surveillent, mm-hmm. Vous me suivez avec les yeux, mm-hmm. Vos oreilles sont attentives. Mm-hmm. Vous voyez que quand vous buvez, ça ne touche ni les yeux ni les oreilles, non, mm-hmm. Voilà. Donc, toute votre attention. Dans Jean chapitre 17, donc, la Bible déclare, après ces choses, Jésus leva les yeux dans les cieux. Il dit, Père, pas vrai, frère, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Puis il dit que c'est ici la vie éternelle. Parce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça, il ne parle pas à ses disciples. Ses disciples sont tout à l'heure. Il a fini de parler dans Jean chapitre 13. Ils ont fini. Ils sont allés. Chapitre 14. Votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il continue. Demandez, on va vous donner le chef. Verset 15. Chapitre 15, il dit, vous aurez des tribulations. Chapitre 16, il dit, un autre consolateur va venir. Oh, là-bas, oh, vous comprenez? Chapitre 17, maintenant, il a fini de parler à ses disciples. J'espère qu'il ne veut pas venir, non? La Bible déclare qu'il leva les yeux vers les cieux. Elle lève les yeux vers les cieux, juste qu'il ne connaît pas que Dieu, que le ciel c'est en haut. Un frère, un pasteur sur la tête dit que non, il n'y a pas le ciel, nulle part. Parce que si tu es en Israël, t'en vois, ça va. Pendant que tu as levé les yeux comme ça, quelqu'un comme il y a le globe, s'il lève la tête, c'est comme ça. Dieu a dit en haut. C'est en haut par rapport à toi. Donc là, je te tourne, Dieu est en haut. Oh, voilà. Il n'a pas dit en haut par rapport à tel lieu. Il a tellement dit Dieu est en haut, point final. Vous me suivez, frère? Vous savez, quand j'étais petit, vous savez que j'imaginais. Il y a des réflexions ici. En tout cas, chacun d'entre vous, vous avez réfléchi comme ça. J'avais arrêté le ballon un jour comme ça. Petit, je verse l'eau sur cela. L'eau va comme ça. Et puis ça tombe là. Après, je regarde le globe terrestre. Je suis étonné. Il dit, mais tout l'eau, c'est comme ça. Ça veut dire que ça va que par là. Normalement, il doit y avoir un endroit où ça tombe sur la terre. Non, logiquement. C'est-à-dire que si vous arrêtez le ballon, vous versez l'eau sur le ballon, ça coule. Là-bas, ça va couler. Mes frères, l'eau qui est sur la terre ne tombe nulle part. Pourtant, la terre est suspendue sur rien. Ça a tourné la tête des gens. Donc, le globe est comme ça. Vous suivez en avion, vous voyez la terre, vous voyez l'eau comme ça. Mais vous allez vous souvenir comme ça, la terre est en train de tourner. La terre tourne comme ça dans le vide. L'eau là ne quitte pas de la terre pour tomber. Et ce n'est pas posé sur quelque chose. Mais Dieu dit qu'il a posé la terre, il y a les colonnes qui soutiennent la terre. Vous avez la maison dans laquelle nous nous trouvons, il y a les colonnes sur lesquelles est basée cette maison. Sinon, la maison s'écroulerait. Vous devez admettre que quelque chose soutient la terre en haut. Ça a dépassé les scientifiques. Mon grand Einstein qui m'a formé, il dit que c'est la loi de l'attraction et de répulsion universelle. La gravitation universelle, c'est ça qui soutient, vraiment. Dans un grand tube gigantesque comme ça, il y a quelque chose qui le plus. Il y a une force. Ok, si vous avez amené cette force de la gravitation, c'est ça que Dieu appelle la colonne. C'est sur ça que pose la terre. La terre posée, il dit la terre posée sur le fondement. Donc si tu fais comme ça, si vous construisez la loupe de Dieu, vous savez, les longues vues de Dieu. Vous savez, quand vous voyez quelque chose là, vous faites comme ça. Si Dieu vous fait comme ça, vous allez voir quelque chose que la terre est effectivement posée sur quelque chose. Mais c'est invisible à nos yeux. Voilà. Vous avez mon frère. Amen. Alors, je suis en arrivé là parce que tout à l'heure, on est dans les Saintes Écritures. Parce que tu as posé la question que les choses, tu as l'impression que c'est les pratiques des Égyptiens, de ce qu'on fait là qui fait qu'il y a le soulèvement. Effectivement, c'est ça. Mais j'ai pris la situation, la façon que les autres interprètent pour te montrer qu'arrêter la source, c'est ça. Mais eux, ils voient plutôt l'église. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas née en Afrique. L'église n'est pas née en Afrique. Bien que les autres disent que c'est les noirs, ou là-bas que Paul était noir, l'autre était noir, c'est le problème. On va y revenir ce jour. Que Tara Zambi était un noir. Pater Abraham était un noir. Jérusalem, tu veux Jérusalem, c'était à Yaoundé. Christ est né à Yaoundé. Vous avez entendu ça, hein? En tout cas, il veut mettre Jérusalem. Vous allez entendre. C'est là. Il veut mettre le zaté. Il veut venir avec le bave. Que Christ est né dans l'Afrique ancestrale, ici, c'est-à-dire ici au Congo. Enfin, quand j'étais au Congo, quelqu'un a dit que Jérusalem était là-bas. Je suis revenu ici, j'ai entendu qu'on avait c'était à Yaoundé. En temps, l'autre dit que c'est vers la Nubie en haut. Donc, c'est quelque part ici, de toute façon. D'accord? Que ce que vous appelez Afrique, c'est pas l'Afrique, c'était Ouassé. En tout cas, que la langue originale. Adam était un Sawa parce qu'il a mangé de la mer. D'accord? Je comprends, frère. Dis-moi, Maloba. Dis-moi, Maloba. Et Sombé, tu as entendu parler de Sombé. C'est l'apôtre Pierre, c'est comme ça qu'on l'appelait normalement. Dis et Sombé. Ne me ris pas, c'est ce que tu entends. Donc Adam était le premier, donc la langue originale, c'est la langue, le Sawa ancien. La langue douala ancien. C'est ça que Adam parlait. Et les patriarches parlaient Sawa. Donc l'apôtre Paul était un douala. En tout cas, les vrais juifs, les vrais authentiques, c'est le peuple du Cameroun. On arrive. Je suis en train de parler, vous croyez que c'est la colonie, non? Quand il va mettre là-bas le jour, là, il va mettre son homme, laisse-la rester là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un fasse comme si vous avez le sel. Vous allez entendre. Alors, le but de Satan, il faut que j'avance seulement, je vais vous expliquer des choses. Le but, c'est que c'est. En tout cas, si vous faites des choses, vous allez tomber sur ces gens-ci. Les gens vont parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu. Et puis, à un moment donné, ils sont de vous sortir d'un territoire. Et vous allez les suivre tout simplement. Maintenant, regardez. Lorsque vous prenez l'Égypte, avec ces gens des philosophies, tout le monde les dit, soit vous admettez. Et c'est là où la contradiction commence à entrer dans les messages. D'un côté, ils disent que le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple africain, donc le vrai juif sont les noirs. Ça, c'est un. De deux, vous continuez. Ils disent qu'il faut qu'on retourne au culte ancestral. Tu te rends compte que le culte ancestral, c'est le Dieu égyptien, donc tort. Or, finalement, le Dieu de la Bible dénonce les divinités égyptiennes. Le Dieu de la Bible dénonce les divinités égyptiennes. Ces peuples-ci de l'Afrique, ils sont en train de dire qu'en réalité, les vrais juifs sont les noirs. Il faut qu'on retourne à notre culte. Parce que notre culte, c'est le culte authentique. Et vous vous rendez compte, c'est le culte égyptien. En même temps, le Dieu des juifs dénonce le culte égyptien et il a détruit les égyptiens. On voit ça. Après, ils prennent le pharaon qui est de pharaon. En fait, on voit les hiéroglyphes avec le pharaon noir. Vous allez sur 250 pharaons, il y en avait 3 pharaons qui étaient noirs. Et pourquoi vous laissez les 247 autres qui n'étaient pas de peau noire? Vous parlez seulement de 3 parce qu'ils ont le peau noire. Parce qu'en Amérique, il y a Barack Obama qui était noir. Je prends une formule en disant que quand Barack Obama est noir, tous les Américains, le président américain est noir. Il y en a vu sa photo. Ça, c'est le président de l'United States of America. Par conclusion, tous les Américains sont. C'est frère, ça, frère. Le président qui était avant, lui était comment? Blanc. Celui qui était après, lui était comment? Blanc. Donc, il ne passe pas seulement méfier sur Barack Obama. Vous voyez ça, frère? Vous comprenez, n'est-ce pas? Personne n'est authentiquement authentique dans sa terre, ici, sur cette terre, ici, maintenant. Personne. Tous ont été transvasés. Comme Israël allait en captivité, les Égyptiens aussi sont allés en captivité. Vous savez ça? Quand il dit les Égyptiens eux-mêmes ont été emmenés en captivité. Moab aussi allait en captivité, n'est-ce pas? Les Philistins sont allés en captivité, n'est-ce pas? Les Assyriens sont allés en captivité, n'est-ce pas? Bon, le mélange a donné quoi finalement? Qui est qui? Et qui est où? Donc, si quelqu'un te dit que quitte mon pays, dis-lui, montre-moi ton pays. On ne peut pas montrer. Qui est qui? Bon, dites-moi, vous êtes Camerounais? Je vous lance le défi, allez au Gabon. Les langues que vous parlez ici, on parle au Gabon. La majorité des Gabonais sont des Camerounais. Il dit la majorité des Gabonais sont. La majorité des Équateurs Guinéens sont des Camerounais. 50 ans, qu'est-ce qui va en être là-bas? Il dit dans 50 ans, qu'est-ce qui va en être là-bas? Notre mélange. Après un de ces jours, un président vient, on sait que les Camerounais sont rentrés chez eux. Il regarde deux générations pareilles, tous ses parents sont Camerounais. Finalement, le chez lui, c'est où? Donc, ces choses d'aller chez vous, il n'y a personne qui a le chez soi ici. La Bible n'a pas dit allez, tu aimes la terre et tout ce qui est enfer. On a dit à l'éternel. À l'éternel, la terre et tout ce qui est renferme. Quelqu'un vient, il se casse, les gens veulent s'entretuer. Imaginez combien de personnes sont mortes dans le problème de presqu'île de Bakassi. À cause de toi, de quoi le pétrole? En temps, on dit vous allez soutenir l'effet de guerre de la presqu'île. Il faut que vous contribuez 100 francs pour soutenir l'armée. Vous soutenez l'armée parce que l'armée vous défend. L'armée vous descend. Les Nigériens sont venus t'attaquer ici au pays, frère. La presqu'île de Bakassi là-bas, c'est dans l'eau là-bas. Tu peux nager dans l'eau là. il y a le pétrole de là-bas, il y a le pétrole. Bon, l'argent du pétrole là, tu vois. Non, non. N'est-ce pas, on grève ici parce qu'on monte encore le prix du pétrole. Point quelqu'un, point quelqu'un. Dis, ne crois pas aux politiciens. Depuis que la presqu'île Barcassa a été résolue, vous avez vu la retombée. On vous a encore fait un reportage pour vous dire comment le pétrole se passe. Vous parlez. Ce sont des jeux des intérêts. Qui est la frontière, qui est le pétrole, qui n'est pas quoi, ça n'est plus. Ouais, les gens sont quoi? Oui, nous, le Cameroun a gagné le Nigeria. Tu parles, le Cameroun a gagné le Nigeria. Et ton profil là-bas, les gens, c'est quoi? Et les gens se tuent. Combien de militaires dans son mort là-dedans? Et du côté nigérien, et du côté. Combien d'orphelins en ont subi? Combien de veuves en ont subi avec cela? Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le profil de ça, c'est quoi? Le pétrole qui est à l'intérieur. Qui a mis le pétrole dans l'eau là? Le Cameroun? Le Nigeria? Qui l'a mis? Pourquoi il ne dit pas que Seigneur donne-nous et que Dieu le dit? Parce que si Dieu donne sa part de révélation, personne n'acceptera. Si Dieu, quelqu'un vient dire ainsi parle le Seigneur, partagez les prix entre vous deux pays. Mais quoi? Qu'ils ont travaillé quoi? Que le GPS montre que ça tombe chez nous. Ouais, la seule solution ici, c'est que le gouvernement de Dieu vienne sur la terre. Amen. Si ce n'est pas le gouvernement de Christ qui vient sur la terre, personne ne peut faire. Parce que chacun a son intérêt. Parce que le principe du gouvernement humain a sa façon de fonctionner. C'est la constitution, les lois internationales. Avec ça, ça ne peut pas fonctionner avec la loi de Dieu. Dieu va redéfinir les frontières du monde. Maintenant, quand vous lisez la Bible véritablement bien, vous lisez la Bible bien, vous regardez la Bible, souvent il lit la Bible, il dépose la Bible comme ça, il charge, il marche comme ça. Moi, je suis étonné par ce qui est écrit dans cette Bible-là. Parce que la Bible déclare que Dieu va décaler la frontière d'Israël jusqu'à l'intérieur de l'Égypte. Vous savez ça, frère? Il dit, Dieu dit dans cette Bible-ci que quand il va restaurer Israël, il va décaler la frontière d'Israël jusqu'à l'intérieur de l'Égypte. Décaler jusqu'à l'intérieur du Liban, décaler vers la Jordanie. Frère, tu regardes là-bas, les actualités du Moyen-Orient te disent autre chose. Mais la Bible dit qu'il va décaler. Il va élargir les frontières d'Israël. Comment il va faire? Moi, je ne sais pas. C'est seulement qu'il est, il est écrit. Alors voilà donc les populations qui se trouvent là-bas dans les frontières. Quand ça va arriver, comment il va faire Dieu? Comment Dieu va gérer ceci? C'est physiquement ou bien spirituellement? Ok, physiquement. Toi là, tu as un problème. C'est la frontière spirituelle. Quand le presque Bakassi, on tirait le basté spirituel physique. Bois un peu de bouillie, frère. Tu es encore dans le jeu. Quand Abraham marchait, il marchait physiquement ou spirituellement. Dieu lui a dit qu'il donnerait cette frontière. Là où Abraham marchait, mettait les pieds. Ce n'est pas la frontière d'Israël, c'est maintenant. La frontière, là où Dieu a dit que quand Abraham met le pied là-bas, quand Dieu regarde, vous savez, quand on trace des GP, on trace des choses au sol là. Vous savez, si tu fais les choses ici, et puis avec la caméra, avec l'infrarouge, on peut regarder là ça, même si vous effacez. Si le sang verse ici, vous effacez, même si vous faites n'importe comment, avec l'infrarouge, on peut détecter qu'il y a le sang ici. Donc, comme Abraham mis ses footprints là, comme ça, mettre comme ça, là, tracé la frontière. Donc, vous habitez là-bas, ta mesure sur la frontière, il connaît Dieu voit le pas d'Abraham. Il va tracer, la frontière d'Israël va être augmentée. Ça semble être impossible, n'est-ce pas, frère? En tout cas, ça ne me concerne pas que ça trace pas là-dessus, que je ne suis pas sur la terre, ça vient. Il a déjà dit, ma part, c'est qu'il faut que pas dans l'enlèvement. Amen. Si pas derrière, il trace les frontières, fait n'importe quoi. Ceux qui seront là, vous allez voir. Parce qu'il a dit qu'il va tracer les frontières d'Israël. Maintenant, je continue. Alors, l'Afrique et son développement, ou mieux encore, l'Afrique avec ses dieux, ont poussé Dieu dans la colère et il a livré l'Afrique à des divinités, à des cultes, la main céleste, comme il avait prophétisé dans les Saintes Écritures. C'est ce qui est arrivé à l'Afrique. C'est-à-dire, à cause des cultes ancestrales dont on parlait, Dieu a puni l'Afrique à cause de cela. Mais il a promis la restauration. D'accord? Ok, allons-y, lisons quelque chose. Ouvrez le livre d'Ésaïe. Donc, Osiris n'est pas Jésus. Que Jésus n'est pas de trace historique. Qu'il n'est pas de trace historique. Vous avez les traces historiques de tous ceux qui sont passés sur la terre ici? Ils savent seulement aller dans la Bible. Quand ils lisent Genèse chapitre 2. On dit que de ce jardin-là, l'eau sortait du jardin et ça arrosait en quatre, ça divisait en quatre fleuves. Que c'est ce qui est à l'orient de la Syrie. L'eau de ces pays est pure. Il dit comme ça que hein, l'eau de ces pays est pure. Il part chercher la zone là-bas. Quand ils explorent l'eau, ils ne disent plus que la Bible est vraie. Parce que la Bible a donné le renseignement que l'eau de ces pays-là, c'est pur. Ils ont, quand ils découvrent la zone, ils vous parlent encore. Ils ne parlent pas. Oui, ça ne fait pas de bruit. Ils passent seulement là-bas. Ils passent seulement, ils creusent là-bas, ils ne disent plus rien. Parce qu'ils fouillent la Bible pour demander les sites archéologiques. Quand ils partent découvrir, bon, l'âge de Noé, comme les gens disent qu'il n'y a jamais eu d'inondation sur la terre, parce que c'est l'histoire, ce sont les mythes, que c'est la mythologie. N'est-ce pas, c'est eux, les Blancs qui ont découvert ça dans le monde d'Ararat là-bas. Ils ont fait des excuses, ils ont vu, non? Et ça les a poussés maintenant à dire qu'on se repent de Dieu. Voilà par exemple une preuve historique de sa présence. Ça, c'est la Bible qui en parle, pas vrai, frère? Amen. La Bible en parle avec les longueurs des coudées telles que là. Ils en mesurent, ils viennent dans la Bible, ils voient que c'est exactement cette distance qui avait été dit, n'est-ce pas? La personne qui l'a écrit, Moïse est allé au mont Ararat. Le mont Ararat, c'est dans les montagnes de la Turquie, versé, parce que c'est versé dans tout la Turquie jusqu'à l'Italie. Là. Alors quand Moïse dit cela, Moïse est allé là-bas pour voir, il se tient là, l'auteur de la création, dit que voici ce qui est arrivé. Là, il a tombé la pluie pendant 40 jours, pendant 40 minutes, après 7 autres jours, 7 autres jours. Il note seulement, il note. Il dit qu'après l'âge est descendu, et ça c'est dans le mont Ararat. Dieu merci, ils n'ont pas cherché le mont Ararat depuis des années. Ils sont allés là-bas en excursion, l'avion passé, ils ont vu un bout quelque part, c'est quoi ça? Ils sont allés faire les excursions, ils ont vu que l'âge est là-bas. Vous voyez ça, frère? Ça ne devait pas pousser les gens à se repentir. Vous connaissez l'histoire de la Passion de Christ, le film appelé La Passion de Christ. Vous connaissez ce film-là, film où on tape Jésus grave, grave là-dedans. Là. Vous connaissez que l'acteur là s'est converti? Mel Gibson, c'est le producteur, lui-même, la personne qui a conçu le film, il s'est converti, l'acteur. L'acteur Mel Gibson, il s'est converti. On a fait le combat contre lui à Hollywood parce qu'on voulait qu'il change cette voix-là, jamais. Hollywood a commencé à le changer parce qu'on veut produire ce film, parce que Hollywood, c'est contrôlé par Satan. Et Dieu se ferait un chemin en plein milieu de Hollywood pour sortir quelque chose pour sa gloire. Vous parlez de Dieu. C'est pour ça que quand vous faites des représentations, même le théâtre de Dieu, on n'a pas de théâtre de Dieu, c'est bon, alors on arrive à autre chose aussi. Regardez, parlons du théâtre de Dieu physique. Voici des gens, ce monsieur-ci que je viens de parler, là, il s'appelle, c'est quoi, c'est aussi J, c'est comme Jésus. Son initial. Et il avait 33 ans lorsqu'il a détourné le film. Comme si c'est un hasard, c'est pas un hasard. Vous voyez? Alors, lorsqu'ils sont de faire le scénario des monts, de Matthieu chapitre 5, où c'est sur le mont des olives. Non, là, c'est le mont, c'est la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur. Il s'est tenu là, alors qu'il voulait répéter. La puissance du Saint-Esprit est venue sur lui. Dans le film La Passion de Christ, vous voyez là, la lumière est venue vers lui, ça l'a frappé. En quelques secondes, il a juste des producteurs demandent qu'est-ce qui se passe. Les gens qui étaient en bas, qui devaient jouer le rôle des gens qui sont là comme dans la foule, là, ils ont vu cela. Même un arabe qui était parmi eux, dans qui tournait le film, enfin un arabe, c'était la scène où les gens tapaient, là, fouettaient, il y avait un musulman parmi. Le musulman, après avoir tapé, il s'est converti. Dans le film. Je ne sais pas ce qu'on prend. Alors, pendant des jours, la scène où il porte la croix, il tombe, la croix est tombée véritablement, ça a boité sa main, cassé, il a eu des chaud, des infections. Après, il est venu faire un sermon, justement, il a parlé devant un scénario, avec une assemblée. Il a dit clairement ce qui lui est passé dans le film, pendant qu'il tournait le film. Qu'il n'y a personne qui a participé dans ce film et qui n'a pas eu d'impact spirituel. Or, ils font des make-up, ils se tiennent là sur la fosse, la montagne, ils lisent la Bible. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le Saint-Esprit est venu. Il a vu le feu à sa droite comme ça se positionner. Ça a fait wouh dans ses oreilles. Ça a donné les vagues sur lui. Le tonnerre, ils appellent tonnerre, le tonnerre. L'éclair est sorti comme ça, passé dans son corps. Vroom, dans son corps. Pour qu'il tourne le film de Jésus. Donc, ce n'est pas un film ordinaire. Si on prend des choses pour dire effectivement, ok, s'il n'y a pas de preuves vivantes, voilà maintenant, comme celui-ci vient, il va maintenant devant Hollywood. Il a des témoignages. On dit que non, ça c'est une chose. Ça c'est. Ouais, on essaie de banaliser pour que ça ne tire pas l'attention. Mais l'impact est là. Mel Gibson, qui était jadis un tourneur de film, le voilà maintenant dans le cul de Jésus. Il reste comme ça. Tu restes dans le cul, il faut qu'il tourne un film. C'est qui? Saint-Esprit dit dans ton cœur, Jésus de Nazareth. Dis, hey, Jésus, il veut tourner. Et puis vous voyez dans son film, justement, vous allez voir que pendant qu'il est en déjeuner, ou que Jésus est en déjeuner, vous voyez un Satan passe quelque part. Peint comme ça, il pose voir le bébé. Avec le bébé qui est bizarre. Vous posez la question que pourquoi il met ce scénario? Un de ceux, je vais parler de cela, de toute façon. Vous savez, ces choses, quand il voit, je prie seulement. Je prie jusqu'à ce qu'il sache de quoi il est question. Vous allez voir les autres films, quelqu'un finit de tourner son film. Remarquez dans votre ancien livre, film de Jésus, film, l'enfant de 12 ans là-bas, c'est une fille qu'on a pris pour tourner ce rôle-là. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas marcher. Quand vous voyez Jésus dans le temple à 12 ans, dans le petit film de Jésus, là, la personne qui joue le rôle-là, c'est une fille. Vous voyez l'insulte qu'on en fait. Alors faisons attention avec les choses de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se prouver. Il n'a pas besoin de se prouver. J'avais un ami là qui, il est ici à Douala, il avait dit en 9 quand il était de prêcher. J'ai prêché comme ça, il a regardé comme ça, il rêve comme ça, il dit que mince, junior, quand tu prêches comme ça, c'est comme si tout le monde est en enfer seulement. J'ai dit, mais la Bible dit qu'il faut qu'on se repente, il faut qu'on dise la vérité. Il présente le monde tel que cela. Il dit que Dieu lui-même la dérange. Il dit, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Il dit, pourquoi il n'écrit pas en haut comme ça que repentez-vous? Donc il disait que Dieu parle à haute voix comme ça, que, parce qu'au moins on sait qu'il est en haut là. C'est parce que s'il parle en haut, tout le monde en bas va entendre. Il dit pourquoi Dieu ne dit pas tout le monde que repentez-vous. C'est comme si la terre est vraie, la Bible est vraie haute. Pourquoi tout le monde fait? Il dit qu'il a déjà dit ça. Il a, bon, il dit oui. Il a eu à dire ça. D'autres personnes ont entendu le tonnerre. Pas vrai, frère? Amen. Il a déjà dit. Quand il a dit ça, les gens ont entendu. En tout cas, les gens contestaient Moïse. Il dit que tu es. Il a dit, ok, dis-leur que je vais descendre. Je vais descendre. Il dit, préparez-vous, je vais me fixer les limites. Quand elle a commencé, l'éternel, on est comme Moïse, dis-lui qu'il ne parle, toi parle. On va écouter. Parce que la voix peut tuer. Pas vrai, frère? Ah, Seigneur, dis-y ta présence, dis-y ta présence. C'est un peu comme vous demandez que vous mettez-moi dans l'huile chaude. On met dans l'huile chaude. Vous savez, quand vous mettez la farine dans l'huile chaude, c'est que ça fait chouan. Attends, quand chouan passe dans toi, tu vas dire, Seigneur, que ces choses se quittent sur moi. Quand l'onction est sur toi, ça reste demeure sur toi, tu vas mourir. Sa présence seulement. Et l'onction pour faire une chose, c'est seulement une présence temporaire. Imagine qu'il met la présence sur toi seulement pour toucher, pour prier pour les malades. Tu pries comme ça 2 heures. Quand tu vas t'asseoir, tu vas croire qu'on t'a boxé pendant une semaine. Or, pendant qu'il en est d'exercer en toi, tu as toute la force. Tu dis, ah, je suis fort. En tout cas, vous qui avez fait les nuits de prière, vous avez vu ce que les questions, non? Il y a des années ici, quand on faisait les nuits de prière chez le frère Ferrand, un de ces jours, comme il savait qu'il venait vers 22 heures, il me suis habillé. Le Seigneur lui dit, assieds-toi. J'ai tout arrangé. J'ai pris ma Bible. Le Seigneur lui dit, assieds-toi. Il ne savait pas pourquoi le Seigneur lui dit, il dit, assieds-toi, nuit de prière. Puis il m'assoit aussi à la maison. Il reste avec ma femme. Il dit, oh, moi, ça va lequel la question? C'est cela. Alors, tout le monde est à nuit de prière. Ils savent que frère, je ne viens à 22h. Est-ce qu'il n'a pas vous appelé que je ne viens pas? Dieu a dit assieds. Il n'a pas dit que assieds, toi, appelle-le que tu ne viens pas. Il a dit assieds. Je me suis mis là-bas. Et attends. Frère, il va se lever la nuit, il a prêché. Ça part, il prêche, prêche, prêche, prêche. Quand il prêche, il dit, il te situe, il regarde l'heure, ce n'est qu'une heure. Il dit, merde. Vous savez, quand ces choses, vous quand ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est pour ça que vous avez des nuits de prière dans les dimensions. Les gens viennent. Regardez, qu'avant de venir à nuit de prière, chacun vient apporter votre matelas et le natte. Vous allez dormir, c'est nuit de sommeil ou nuit de prière. J'ai dit que j'entends des choses. Hein, Masso? C'est pas ça, hein? C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, un seul sort le soir. Il dit bonsoir, bonne nuit à son mari. Mais tu pars où? Il m'en va à la nuit de prière. Tu pars avec ton petit matelas. Tu pars avec ton petit matelas. Tu viens, tu le vois, chacun couché sur le bas comme si c'était malade. Après, quand vous voyez par réflexe, vous voyez les religieux, c'est vous pour me tuer, c'est bon. Vous les voyez par réflexe, ils se couchent là-bas, vous voyez sa bouche, comme ça. Puis quoi qu'il peut, alors qu'il ne prie pas, il dort bien. La soirée, comme ça, il ferme les yeux, puis il dit, ma soeur, tu dors. Non, il ne dort pas, j'intercède. Frère, il va prêcher. Frère, il va prêcher, prêcher. Écoutez, ne vous inquiétez pas, quand le Saint-Esprit est assis dans le cœur, vous restez tranquille, la prière est en vous. Amen. Vous restez tranquille, la prière est en vous, la prière est en vous. Frère, il va prêcher, prêcher, prêcher. Elle a dit que frère, quoi? Ferrand. C'est toi qui? Frère Ferrand. Tu vas prêcher comme le parole, comme l'état, frère. Donc, parce qu'on s'est relié plusieurs fois. Et quand vous êtes rentré, où le frère, où le madame, où est-ce que ta femme est là-bas? Quand tu es rentré, comment s'est passé? On s'est dépassé. Tu dis que, mais, le frère Gion, là, comment il peut vous prêcher? Pendant 6 heures d'état, il prêche de 22h jusqu'à 6h. Oui. Parfois, il faut qu'on soit fâché, fatigué pour qu'il que je ne comprends rien. Et ton pied était comment? Ton pied était mal, frère. Le frère Ferrand allait se coucher au lit, soulever ses pieds comme ça. Dis à sa femme que chérie, masse. Quand vous voyez, vous êtes de faire de la maçonnerie, vous portez le sac, vous mettez comme ça, vous voyez quelqu'un qui fait tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Vous avez vu des gens qui font la maçonnerie, les gens qui font, tu tournes la brouette là. Ok. Non, non, non, comment tu fais ça lentement comme ça? Donnez-lui seulement la. Que voilà ça. Fais 3 fois. Quand il va faire quoi, il va sentir le dos ici. Il va comprendre que celui qui travaille sous le soleil toute la journée là, c'est une autre grâce qu'il a reçue. C'est pour ça que je me dis, quand l'ancien est sur vous, vous faites cela, quand vous rentrez, et vous allez savoir de quoi il est question. C'est pour ça que si Dieu maintient les gens comme ça, de cette façon, ils vont mourir. Ils vieillissent. Ton corps va vieillir. Parce que vous quittez d'une dimension à l'autre. Seulement vous prophétisez, c'est une autre chose. Ah. Ésaïe chapitre 19. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe souvent quand on est en train de prêcher, quand on fait dans les nuits de prière, comment ça se passe. Il y a une vapeur qui entre. Comme la rosée. Tu connais ça? Hein? Comment tu connais, ma soeur? Hein? Tu sais ça, n'est-ce pas? Donc ça entre pour rafraîchir. Et quand ça entre, ça se pose sur les gens. Quand ça se pose. En un moment, quand ça présente là, le temps passe à que vous ne sachiez. Même si vous êtes fatigué, vous sentez que votre fatigue est différente. Vous êtes seulement, votre corps est en paix. Ésaïe chapitre. Et puis vous allez à une réunion, quelqu'un va à une nuit de prière, en allant, il prend la natte. d'autres prennent le café noir. Le café noir, dit c'est quoi? Vous savez, j'en ai vu des tas. D'autres, en s'asseyant, vous avez mis les pieds dans l'eau. Il met les pieds dans l'eau jusqu'à ses yeux se ferment. Il dort. Donc, ça, c'est plutôt les yeux qu'il faut mettre dans l'eau. Quand ça ne va pas, d'autres sortent, ils marchent. Enfin, tu vois, ouvert. C'est tout la tête. Quand il s'assoit, dès à l'instant, il s'assoit, le sommeil continue. Il faut que le cœur soit entré dans la prière. Si le cœur est entré dans la prière, attendez, on avance, que Dieu nous permet d'avancer jusqu'à cet ABC-là. Vous allez aimer la prière. Vous allez être dans votre bureau, dans n'importe quelle voiture, surtout dans les taxis, parce que c'est ce qui concerne les taxis, dans les environnements, parce que l'environnement est tellement pourri, où vous êtes n'importe où, il y a des musiques bizarres, dans le taxi, des commentaires bizarres. Vous allez être dans le taxi, vous ne faites pas attention, on va nous traverser là où vous allez aller. Parce que le cœur est dans la prière. Quand le cœur sera occupé à prier, les choses du monde ne vont pas entrer à l'intérieur, parce que le but de votre oreille, c'est que ça entre, ça reste dans le cœur. Quand le cœur sera entraîné à faire cela, quand c'est enveloppé par sa puissance, les choses n'entrent pas en vous. Mais si vous n'êtes pas enveloppé de cette façon, quand tu entends là, tu entends le bas, le ventre, pendant que tu continues, ça continue à jouer là-dedans. Et la suite de la musique que tu as entendue, là, continue chez toi. Donc, il faut qu'on travaille, d'accord, frère? Ésaïe, chapitre 19. Madame Eve, le jour là, tu as épousé ton mari, n'est-ce pas? Et venu, tu n'as pas fait l'eau pour masser tes pieds. Écoutez, verset 1 du chapitre 19. Mais frère, tu vois que ça avance maintenant, n'est-ce pas? Ça avance maintenant. Ça m'étonne, permettez-moi encore de dire cela. Comment on parle nuit de pluie, on parle à la natte? C'est-à-dire que le pasteur dit que non, on va faire une pause, vous dormez un peu. Vous dormez un peu. Puis vous réveillez pour prier. Vous voulez aller à la nuit de prière. Allez pour prier. Nuit de prière. Il dit, attendez qu'on touche le problème du cœur dans la prière. Vous allez voir que, comme vous voyez dans la Bible, que mon cœur dit de toi la nuit, cherche ma face. Vous vous levez tout simplement comme ça, là. La lumière s'allume et puis le sommeil part. Dans la prière, ça ne devient plus la lourdeur. Des choses comme si il ne pleut pas aujourd'hui, le diable va me persécuter. C'est pas cela. C'est la joie dans sa présence. La joie dans sa présence. Vous souhaiterez être dans sa présence tout simplement. Et là, vous êtes au bureau, vous êtes n'importe où, vous allez prier sans que ça ne dérange personne. Vous êtes au bureau, vous êtes avec les collègues, les gens font les choses, vous allez prier. Remarquez bien que vous n'avez pas besoin de faire ya pour crier. C'est ça qui dérange les gens. Vous priez dans votre cœur, quelqu'un vous dérange, vous dérangez quelqu'un. Vous priez. Pendant que vous allez prier, la lumière qui est tout loin de briller davantage. Quelqu'un dans votre bureau, dans un taxi, vous voyez, vous entrez au taxi comme ça. Un peu dit que soit le client s'il sort ou bien moi il sort. Et puis vous savez de quoi il est question. Vous savez tout simplement de quoi il est question. Parce que votre environnement chauffe. Dans la rue, vous marchez dans la rue comme ça, quelqu'un vous voit, il change la route. C'est ça qu'il faut faire. Mais si le cœur est entouré par les choses du monde, tout autour de vous, ce sera lugubre et noir. Quand il regarde, voici un œuf à manger. Il y aura des taches de lumière sur toi, mais entachées de ténèbres. Un peu comme celui du frère du Nassel, la Bible en tout autour là. Et puis vous voyez qu'il y a des taches noires partout. C'est comme ça que l'environnement est. Mais quand c'est entouré de la lumière, quand la personne la voit en route, il change de direction. Ceci, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas passer. Parce que si tu passes là-bas, son histoire va chasser tes démons qui sont en toi, tes puissances. Ça brise tout cela. Vous passez partout, devenez des bénédictions sans vous en rendre compte. Vous passez en route dans un carrefour où quelqu'un avait fait des incantations pour tuer quelqu'un. Vous passez là-bas, ça anéantit. Vous voyez cela? Vous passez, vous délivrez les familles, vous délivrez les gens sans vous en rendre compte. Vous devenez un porteur de bénédictions. Voilà. Ésaïe chapitre 19, verset 1, suivant, je lis et puis je continue avec les affaires du frère-ci. Oracle sur l'Égypte. Remarquez qu'il n'est pas écrit prophétie sur l'Égypte. C'est différent. Les oracles sont différents des prophéties. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Oracle sur l'Égypte. Si vous regardez le chapitre 18, il est dit quoi? Voilà. Vous voyez cela? Voilà. C'est différent. C'est un peu comme la parole de connaissance et la parole de sagesse. Quand vous ne connaissez pas la différence, vous allez croire que c'est la même chose. C'est un peu comme la révélation et la prophétie. Ce sont des choses qui se rapprochent, mais ce n'est pas la même chose. Les révélations sont différentes des prophéties. Les oracles sont différents des prophéties. La parole de connaissance est différente de la parole de sagesse. Chapitre 19, donc. Voici, l'Éternel est monté sur une nuit rapide. Il vient en Égypte. Ha! Tu parles. Il vient en Égypte. Écoutez bien. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Frère, voici l'air de l'Afrique. Voici, nous sommes là. Il ne parle pas de la Bible, il dit nous qui sommes physiquement là. Voici son heure. Ok, regardez. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Écoutez, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Vous allez entendre dans les réseaux sociaux, ils ont dit que non, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Comment se fait-il que les blancs montent le noir? On vient prendre le bleu comparé pour qu'ils viennent tuer son ami, se rendre sans Sankara, alors qu'ils ont mangé ensemble. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Qui parle? Mais il y a le pourquoi qu'il a envie de faire ceci. Écoutez. J'aimerais l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Écoutez, verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Voyez, et j'en ai en tiré son conseil. On constituera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. N'est-ce pas ce qui se passe en Afrique? N'est-ce pas ça, frère? Maintenant, regardez. Verset 4, et je livrerai, écoutez maintenant, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Vous avez vu l'esclavage, n'est-ce pas? Voilà, on arrive. Regardez, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Vous voyez comment on commence à parler en parabole maintenant. Le fleuve deviendra sec et aride. Vous avez vu le fleuve de Nil là, est devenu aride. C'est pas ça l'entité des personnes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Il dit ici, verset 6, les rivières seront infectes. Oh mon Dieu. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Voilà, c'est ça, c'est à ça à quoi les parafricains ont dit qu'on rentre là-dedans. Que retourner nos dieux sur le dieu des Égyptiens, c'est Thor, Ra. Dieu de Pharaon, voilà, on dit, et Dieu, en dedans, le Dieu de la Bible, on dit que c'est le stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens? Où sont-ils donc tes sages? Qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Vous y êtes? Les princes de Tsoan sont fous. Les princes des Nord sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Vous êtes là, frère? Elle tremblera, aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Vous y êtes? Vous pouvez prendre le temps de continuer là-bas. Alors, vous voyez donc ce que Dieu a décrété. Et là, se trouve maintenant, alors que Dieu en essaie de réveiller maintenant, les panafricains se lèvent maintenant pour dire qu'on retourne à notre divinité, les divinités ancestrales. Vous allez voir maintenant, chaque groupe maintenant, ici au Cameroun, s'est réuni, où il y a les Mbombok. Chacun dit qu'au culte ancestral, il réveille dans le Dieu. Avant que les Blancs ne viennent, sur les Blancs qui sont venus ici, ils ont donné le culte des Blancs, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. On va confronter puissance contre puissance. Souvenez-vous, eux, ils fonctionnent avec la puissance. Ceux qui parlent de cette divinité, ils fonctionnent avec des puissances. Avec des puissances. Il va falloir que le Saint-Esprit soit là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on aura des problèmes. Parce que l'heure de la récréation est terminée avec les écritures littérales. Il va falloir que sur le plateau, qu'on sache qui est le vrai Dieu. Amen. Si c'est toi, c'est le Dieu, il est le Dieu égyptien qui prouve. Remarquez bien, à ce moment de confrontation sur le mont Carmel, il y avait des preuves palpables entre les divinités que les Juifs servaient maintenant sous Jézabel. Parce que s'il n'y a pas de résultat, il ne servirait pas. Vous me suivez? Mm-hmm. Il fallait une confrontation jusqu'à ce que Dieu dit à Élie que va, il va faire tomber de la pluie. Parce que quand Dieu lui a dit va, il va faire tomber de la pluie, ceux-là n'ont plus de puissance. Pourtant, vous voyez, dans des villages maintenant, les gens sont capables de faire la pluie. Ils sont capables de trafiquer et puis il pleut. Vous voyez, frère? Ça veut dire que si je suis le fond maintenant, il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre. C'est avant, il le faisait. Si ceux-là n'avaient pas la possibilité de faire, ils ne seraient pas venus à la confrontation. Il dit ce qui se trouve dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Alors ils sont venus là-bas, ils ont crié. Dieu avait décidé de fermer, comme il a dit là, de fermer cette divinité-là. Pour montrer maintenant que c'est lui. Quand Dieu peut laisser les gens faire, remarquez bien, on dit aux gens, priez pour le Cameroun, que depuis qu'on prie là, est-ce que Dieu comprend? Il a son temps à lui. Vous avez prié dans les gens cherchent dans cette direction-ci, il a dans cette direction-ci. Parce qu'il a son temps à lui. Il faut qu'on soutienne celui qui est en train de venir. Parce qu'on va se lever, les contestations vont se lever. Les contestations. À cause du fait qu'il n'appartient pas à un groupuscule. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'on a été levé comme ça dans le réveil, eux ils se réveillent. Parce que le réveil est fait pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Et la, qui dit puissance des ténèbres dit les démons. Donc, les démons ont obligé de se aussi de réveiller leur camp. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. L'armée des joies, chapitre 2. Dieu va ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Création